Tu tombas cependant de ce sublime fait. Sur ce rocher désert, jeté par la tempête, tu vis tes ennemis déchirer ton manteau. Et le sort, ce seul Dieu qu'adora ton audace, pour dernière faveur, t'accorda cet espace entre le trône et le tombeau. Oh, qui m'aurait donné d'y sonder ta pensée, lorsque le souvenir de ta grandeur passée venait, comme un remords, t'assaillir loin du bruit, et que les bras croisés sur ta large poitrine, sur ton front chauve et nu que la pensée incline, l'horreur passait comme la nuit. Tel qu'un pasteur debout sur la rive profonde voit son ombre de loin se prolonger sur l'onde, et du fleuve orageux suivre en flottant le cours, tel, du sommet désert de ta grandeur suprême, dans l'ombre du passé, te recherchant toi-même, tu rappelais tes anciens jours. Ils passaient devant toi comme des flots sublimes, dont l'œil voit sur les mers étinceler les cimes. Ton oreille écoutait leur bruit harmonieux, et d'un reflet de gloire éclairant ton visage, chaque flot t'apportait une brillante image que tu suivais longtemps des yeux. Là, sur un pont tremblant, tu défiais la foudre. Là, du désert sacré, tu réveillais la poudre. Ton coursier frissonnait dans les flots du Jourdain. Là, tes pas abaissaient une cime escarpée. Là, tu changeais en sceptre une invincible épée. Ici, mais quel effroi soudain! Pourquoi détournes-tu ta paupière éperdue? D'où vient cette pâleur sur ton front répandu? Qu'as-tu vu tout à coup dans l'horreur du passé? Est-ce de vingt cités la ruine fumante, ou du sang des humains quelque plainte écumante? Mais la gloire a tout effacé. La gloire efface tout, tout, excepté le crime. Mais son oie m'a montré le corps d'une victime, un jeune homme, un héros, d'un sang pur inondé. Le flot qui la portait passait, passait sans cesse, et toujours en passant, la vague vengeresse lui jetait le nom de Condé. Comme pour effacer une tache livide, on voyait sur son front passer sa main rapide. Mais la trace du sang sous son doigt renaissait. Et comme un seau frappé par une main suprême, la goutte ineffaçable, ainsi qu'un diadème, le couronnait de son forfait.